La conférence de ce soir a pour titre « Qu'est-ce que l'astral? » Je me présente, Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, je suis Michel Lassette, policier et homme d'affaires. Bonsoir. Je suis là. Alors, j'imagine que vous allez avoir encore ce paquet de questions. Ben oui, mais la première est gênante, parce que c'est le titre de la conférence, c'est « Qu'est-ce que l'astral? » Mais la phrase, c'est un mot qui désigne, c'est un mot qui permet de résumer ce que l'humain entend par le ciel, le nirvana, le paradis céleste, l'enfer, le monde de la mort, les religions, les égrégores, la mémoire, les annales akashiques, le passé. Tout? Non. Oui, ça sonne tout, oui. Mais non, pas tout. J'aurais dit tout, si ça avait été tout. Est-ce que vous êtes terminé? C'est pas tout. C'est tout, non? L'astral, pour moi, la question plutôt, est-ce que c'est, à la base, l'astral, c'est la mémoire? Non, l'astral est constitué de mémoire. Autrement dit, pas de mémoire, pas d'astral. Ça n'a rien à voir, la mémoire n'a rien à voir, c'est pas une équivalence, l'astral ou la mémoire. Non, la mémoire se trouve dans l'astral au complet est constitué de mémoire, d'émotions, de désir. Est-ce qu'on peut dire que la mémoire est un support à l'astral? S'il n'y aurait pas de mémoire, l'astral ne pourrait pas exister. Oui, la mémoire est un support au monde astral. C'est un véhicule... c'est un support, oui. C'est un support. Ah, pas raccroché. Ça reste plutôt contraire, ça l'accroche. Tu parles du ciel, de l'enfer. Dans la religion, c'était deux choses bien séparées. Puis là, tu mets ça dans un même, sous une même appellation, l'astral. Tous au même endroit. Quelqu'un qui va se promener dans l'astral, est-ce qu'il va nécessairement passer par l'enfer? Comment ça se situe là-bas? C'est très simple. L'enfer, au niveau du monde astral, part du centre de la Terre. Et ça va, au niveau de sa vibration, à peu près jusqu'à 10-15 pieds au-dessus de la surface planétaire. Ça suit les dénivellations montagneuses. L'enfer. Donc, on est dedans, là, finalement. C'est ça. Il n'avait pas remarqué ça encore. Franchement. Ça s'appelle une confirmation. C'est ça. Confirmation de con. Mais, c'est pas une. Et puis, le ciel part de quelques centaines de pieds sous la Terre. Et il va s'achever vers les couches de la ionosphère, c'est-à-dire à peu près à l'extrémité complète de notre de l'enveloppe planétaire au niveau moléculaire. Mais ça se chevauche, les différents... Tout se chevauche par nuance. On a le bas astral qui est très infernal, on a le très bas astral qui est vraiment infernal, et puis par la suite, on a l'astral que lui m'appelle, on a l'astral normal, on a l'astral moral, l'astral social, on a l'astral religieux, on a le haut astral, les sphères spirituelles qu'il y a là-dedans. Mais bon, là, si on fait un début, là, l'astral, ça vient d'où? Par exemple, au début de l'existence de la planète. Je vais définir ici un peu c'est quoi l'astral avant, après ça, on va le voir au début, parce que là, on dit c'est là. C'est intéressant, mais... on prend la planète Terre qui est ici, du centre aller jusqu'à sa surface, on a de l'astral, qu'on appelle l'enfer. Sous la surface, en montant jusqu'à la couche ionosphérique, on aura ce qu'on appellera le ciel. Le nirvana étant, chez les bouddhistes, une partie plus élevée du ciel, puis la droite du Père, le Père qui est tout partout, évidemment, la droite de tout partout, ça se trouve aussi dans le nirvana ici, c'est-à-dire dans les sphères spirituelles. Quand on parle de religion, les religions sont des amoncellements denses de mémoires qui ont la même vibration dans l'astral, et on va appeler ça un égrégore. Donc, un égrégore, c'est une partie du monde astral. Le ciel, c'est là où vont les morts. Là où l'âme des morts va, selon les définitions. Et lorsqu'une personne perd son corps physique, en réalité, lorsque le corps physique en aura le vol de ce qu'il habite, l'âme gagne le monde de la mort, gagne donc le ciel, et finalement, elle gagne le monde astral. Dans l'astral, évidemment, il y a la mémoire. Il y a la mémoire des événements, qu'on appellera l'akasha, la mémoire akashique, Un voyageur de l'astral, quelqu'un qui est capable de faire une extra-conscientisation de son corps physique, c'est-à-dire que sa conscience quitte le corps physique pour aller dans le monde astral parce qu'il n'y a pas de corps astral. Il y a des gens qui voient leur corps astral, mais justement, s'ils le voient, c'est qu'ils ne sont pas dedans. Bon, alors ça, c'est une perception égyptienne où, à un moment donné, pour arriver à convaincre les individus à pratiquer le voyage astral, les termes étant compliqués, on appelle ça « fripper » en anglais, ou quand on prend de la drogue, on est dans l'astral. Et pour que les individus puissent développer une technique pour accepter l'idée, eh bien, on leur a expliqué qu'il y avait un corps qui permettait le voyage. Mais c'est pas ça. Vous fermez vos yeux, vous êtes dans l'astral. La majorité des gens, les yeux ouverts, sont déjà dans l'astral, mais leur conscience est à 99% dans le corps physique. Alors qu'un rêve, votre conscience va être 10, 15, 20% à l'extérieur du corps physique. Un rêve très conscient, la conscience va être 15, 20, 30, 40% à l'extérieur du corps physique. Un voyage astral, c'est tous des voyages astral, mais conscient, on a une conscience qui est de 60 à 75% sortie du corps physique. Et dans un voyage astral cauchemardesque, ça nécessite déjà 75 à 80% de la conscience sortie, avec une pluralisation des contacts dans l'astral, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de... Normalement, quand on fait un voyage astral, on goûte à la mémoire akashique, visuelle. Plus on est conscient dans l'astral, on va commencer à goûter à la mémoire akashique des sons, donc auditifs. Progressivement, on peut avoir la mémoire olfactive, oui, c'est ça, le sens de l'odorat. On peut avoir le goûter. Quand on a le toucher, on est à 80 à 95% conscientisé dans l'astral. Là, ça devient dangereux pour un voyageur du monde astral parce qu'il y a différentes choses qui existent dans l'astral ainsi que dans la matière qui peuvent être extrêmes, qui peuvent lui nuire ouais, d'une façon totale. Et on a aussi 75 % à 90 % de conscience dans l'astral si on nous sommes capables de goûter aux mémoires émotives. Exemple, personne se ramasse dans l'astral dans son sommeil et elle voit un monstre qui fonce sur elle avec de la barbe, des gros yeux, etc. La personne, elle le regarde. Que le vieux monde. Mais à un autre moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un qui marche sur la rue derrière vous, ou de l'autre côté de la rue, puis vous êtes horrifié dans votre rêve. Pourtant, il n'y a rien. Simplement que vous avez une conscience événementielle de la personne qui marche, et vous êtes en contact émotif, c'est la mémoire émotive, avec quelque chose du bas astral qui, ça, vous fait extrêmement peur. Au niveau du rêve, bien évidemment, on a peur de la personne de bord. Comme on peut se faire tirer dessus par une mitraillette et ne pas avoir de problème, puis deux jours après, on fait le même rêve, puis là, c'est un cauchemar total, parce qu'en même temps, émotivement, on est dans l'astral. Si on parle religion, les religions sont donc des amas de mémoires similaires, on va voir le début justement après, comment ça se crée, de mémoires similaires dans lesquelles va se placer suffisamment d'énergie pour, à un moment donné, créer un ego. On va voir ça à la prochaine conférence. L'ego dans un égrégore va porter un nom, Dieu, mais dans l'autre égrégore, son nom sera Yahvé. Dans un autre égrégore, son nom sera Manitou. Dans un autre égrégore, il sera Allah, etc. C'est ce qui va faire en sorte que quand un égrégore communique avec l'humain, les premières lois d'un égrégore religieux vont être, tu dois croire et te multiplier, c'est-à-dire créer des unités carbone des êtres humains, en créant un paquet sur la Terre pour que moi je puisse m'alimenter de leur émotivité, ce qui va me faire grossir. Deuxième loi, tu dois porter la bonne nouvelle, tu dois convertir. C'est-à-dire, va maintenant chercher des humains qui sont reliés à d'autres égrégores, déconnecte-les et connecte-les aux miens. Ça veut dire, convainc-les, convertis-les, et par la suite, viens les baptiser dans mon énergie. Donc, si on s'en va chez les Krishna, on sera rebaptisé avec un nom Krishna. Si on va chez les musulmans, on sera rebaptisé avec un nom musulman. De témoins de Jéhovah à Mormon, à l'Église catholique, on sera rebaptisé. De façon à nous couper notre canal qui nous relie à l'égrégore pour le brancher à un autre. L'Église catholique, d'ailleurs, va permettre à un homme, un père de famille, de baptiser son enfant. C'est le seul temps où une personne qui n'est pas prêtre peut baptiser. Si l'enfant est mourant à la naissance, le père peut le baptiser parce que le Dieu elle préfère recevoir l'enfant tout croche tout travers que de le perdre. C'est-à-dire, le perdre, l'enfant n'est pas perdu. Ce Dieu-là l'a perdu. C'est autre chose. Puis dans d'autres religions, on est plus pratique, on est en affaires, tout le monde peut baptiser. Bon. C'est pratique. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je parle du Dieu dans l'égrégore ici, je ne parle pas d'un principe qui est totalement en haut, nous connaissons les orteils de Dieu sur la planète Terre, et le Dieu qui dit, tu dois monter les marches de l'oratoire à genoux pour que je puisse peut-être penser, avoir le temps de voir si peut-être je vais te guérir un petit peu. Ça fait partie des dieux dans l'astral. Les dieux qui vont dire, si tu veux être sauvé, tu dois mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles, ce qu'on va voir souvent chez les musulmans, ce qu'on a vu chez les dieux vikings, ce qu'on a vu chez les romains, ce qu'on a vu dans l'historicité planétaire. Même chose, Dieu qui a besoin de l'alimentation émotive de l'homme. Toute forme de divinité qui valorise la souffrance, le mérite, l'abstinence, la peine, la pauvreté, etc., etc., sont des dieux qui se nourrissent d'une façon très vampire, et plus ça va, plus ça vampire, se nourrissent de l'énergie émotive humaine. Et c'est toute la souffrance, ce que tu viens de nommer. Ben, c'est évident. Et ces dieux-là vont toujours dire, prier, prier, prier, prier, prier, prier. Le feu, votre maison passe au feu, prier, prier. Puis le pompier va dire, ben écoute, éteignez, mais ici on préfère que l'humain souffre un peu. C'est d'ailleurs pourquoi les dieux se faisant la guerre dans l'astral, il y aura des guerres religieuses sous contexte planétaire, les hommes se font la guerre au nom de Dieu. Mais avant d'aller à l'origine de ce que... On n'est pas encore rendu là, oui. Non, OK. C'est que tout ce que tu nommes là, les égrégores, toute la souffrance qui est vécue par l'homme, c'est tout ça qui est dans l'astral. Puis l'astral, finalement, c'est l'espèce de dépotoir de tout ce que l'humain vit de pénible. Non, un entrepôt, pas un dépotoir. C'est avant que ça arrive. C'est émotivisé, ça. Oui, très émotivisé. C'est manipulé par l'astral, comme à quoi. Dépotoir, ce que l'humain fait. Mais est-ce que l'astral, c'est un concept? Parce que tout ce que tu viens de nommer, il y en a plusieurs qui vont dire c'est des concepts. Dieu, c'est un concept. Oui, même si les gens disent ça. C'est évident que c'est un concept. Chaque fois qu'on utilise un mot, c'est un concept. Le concept définit bien une réalité qui, dans le contexte illusoire planétaire, devient une réalité réelle, locale. C'est pas absolu. Le temps n'existe pas, donc astral non plus. Mais dans le contexte mémorial oui, je comprends. Oui, c'est ça. Astral, le mot astral, je comprends que ça, c'est un concept. Mais l'astral est réel dans notre illusion. Non. Bien, dans l'illusion, oui. Ce concept-là définit une mécanique qui, si elle est bien connue, la mécanique nous permet de vivre mieux, d'être moins manipulé, d'être moins charriable, de comprendre autrui, de cesser d'haïr l'humain parce qu'il est con. On commence à haïr l'astral, puis on commence à aimer l'humain. Alors que présentement, les gens aiment l'astral, ils aiment les guides, ils aiment les dieux, ils aiment ce que tu voudras. Il y en a même qui aiment Satan, puis qui aiment l'enfer, et ils haïssent le monde. Et on doit lui aimer l'humain, haïr l'astral. Même si c'est un concept, exactement comme une maladie, c'est un concept, mais en partant du concept de la maladie, on peut parvenir à guérir. Non, mais quand même quelque chose qui se passe dans la réalité. Mais... Absolument, absolument. Dans les égrégores ici, on a les égrégores donc divins, on va dire plutôt religieux. Il y a les égrégores qui vont être des partis politiques qui sont près de l'égrégore religieux. Le communiste était un égrégore... Juste avant, l'égrégore, veux-tu définir l'égrégore dans l'astral, c'est quoi ça fait? C'est simplement, ça fait rien. L'égrégore, c'est simplement une sphère, une bulle, qui est créée par l'accumulation de mémoires semblables. Autrement dit... Okay, c'est... Autrement, la naissance. Ce qui ressemble, ça semble, dans l'astral. Oui. Ce qui s'est passé, une petite partie de début pour expliquer l'égrégore. Voilà plusieurs années, l'homme des cavernes, il vivait en clan, en petite tribu. Et puis, à un moment donné, ils ont conscientisé qu'il y avait des individus qui n'étaient plus là. On les trouvait quelque part, ils vachaient à terre, puis ils dormaient longtemps. Et puis, à un moment donné, ben là, ça tuait. Puis là, on s'en débarrassait ou on les mangeait. Ça dépend des endroits. Et puis progressivement, l'humain a découvert qu'à un moment donné, tu n'es plus là, tu meurs. C'est comme l'animal qu'on a chassé, tu meurs. Alors, ils ont essayé de faire en sorte, ils ont cru, ils ont perçu en réalité, que même si le corps physique est capote, le reste ne l'est pas. Alors, ils ont tout fait pour, non pas pour entrer en contact avec le disparu, celui qui s'est endormi, non pas pour entrer en contact avec, mais pour le faire venir là. Alors, premièrement, on pensait qu'il allait voyager, donc on lui donnait, on tuait des animaux, il donnait ses outils, etc. À cette époque-là, plus tard, on a tué la femme, les enfants, les serviteurs, etc., pour les enterrer avec, au cas où le bonhomme, il en aurait besoin. Mais un peu avant, c'était un petit peu moins pire. Et progressivement, est apparu le culte des morts. Le culte des morts, ça veut dire que continuellement, on reste dans notre clan convaincu que machin chat est toujours vivant. Alors, à un moment donné, quelqu'un meurt. Et deux, trois semaines après ou un mois après, un bébé vient au monde, on lui donne le même nom, parce qu'on est convaincu qu'en lui donnant le même nom, celui qui est mort va revenir. C'est aussi ce qui arrive. Mais ça arrivait-tu parce que les gens tiraient ça ou parce qu'effectivement, ça serait arrivé de toute façon? Non. Oui et non. C'est-à-dire que ça arrive parce que les gens faisaient ce qu'il fallait, mais les gens, parce que de toute façon, les gens devaient faire ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais très manipulé. Mais en mettant le nom, c'est que ça facilite l'arrivée. Énormément. C'est seulement ça, ça change. Vous remarquez que la majorité des individus qui portent deux noms, Jean-Pierre, Jean-Paul, Marie-Madeleine, etc., ont souvent plus de problèmes de personnalité, de centrage au niveau de personnalité, que ceux qui portent seulement un nom. Puis on a un paquet de noms. Anatole, aujourd'hui, c'est un égrégore qui est un petit peu différent, c'est un peu faible. On a des noms comme ça qui, dans certains contextes, sont puissants, dans d'autres contextes, ne le sont plus. Une fois qu'on a le culte des ancêtres, progressivement, donnant donc le nom des ancêtres à nos jeunes, on crée le culte. Parce qu'on va refaire ça progressivement, l'expérience des morts finit par être plus répétée dans l'astral, et maintenant, ça va engendrer un petit égrégore. Et là, ce petit égrégore-là va être la première religion de ce clan-là. Et là, c'est pas long que l'égrégore va finir par aller chercher la personne la plus sensible et va en faire le prêtre, le sorcier, mais l'individu qui va être capable de recevoir les messages des ancêtres pour le communiquer au peuple. Puis comme l'astral, puis là, je vous passe un paquet de détails qu'on a le temps de voir en séminaire, mais on n'aura pas le temps de voir ce soir en une heure, ce qui va arriver progressivement, c'est que l'égrégore veut prendre le contrôle de l'humain pour s'en nourrir, c'est-à-dire que plus l'humain revit les mêmes rituels, les mêmes habitudes, plus l'égrégore est nourri. Donc, le sorcier va instaurer, par l'intermédiaire des ordres de son égrégore, il va instaurer des lois qui sont relatives aux ancêtres, des rituels pour... C'est comme ça que Dieu veut être nourri, bien, c'est comme ça que les ancêtres veulent être nourris. Nous, il va appeler ça le respect, au début ça va être de la crainte, parce que si tu ne le fais pas, les dieux vont tomber sur la tête. Et puis, plus tard, ils tomberont eux-mêmes sur la tête. Alors, progressivement, on a donc les rituels qui vont apparaître avec tout ce qui devra être répété. Et nécessairement, va arriver très rapidement le concept de la tradition dans l'égrégore. La tradition étant quelque chose d'extrêmement important pour les religions, comme d'ailleurs pour le monde astral, parce que la tradition, c'est ce qui fait que l'humain non seulement sert le monde astral de la même façon, pas juste les religions, les guerres qu'on fait sans arrêt, les façons de saillir, les façons de s'aimer, les façons de voir l'enfance, de voir la femme, de voir l'homme, ce sont des traditions. Et tradition veut dire empêchement d'avancer vers le neuf, donc fixation, c'est-à-dire mort. Puis il n'y a rien de plus intéressant que la mort humaine pour nourrir la mort, le monde astral. Mais d'après ce que tu décris, là, c'est les hommes qui ont créé les religions, finalement. C'est les hommes qui ont créé les religions, c'est les hommes qui ont créé le boss astral, c'est les hommes qui ont créé... Mais toute l'émotivité dans l'astral. L'astral, c'est uniquement une vibration atomique, moléculaire, sur les molécules de carbone et d'oxygène, entre autres et surtout, et l'être humain respirant du carbone et de l'oxygène, l'oxygène et le carbone sortent de lui aussi, il va colorer, c'est-à-dire que son astralité, son émotivité va venir là. Oui, mais il y a quelque chose au départ, parce que tu as dit que pour qu'il soit porté à nommer l'enfant du même nom que celui qui vient de mourir, il était manipulé à le faire. Manipulé à le faire, mais par impression. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, il n'y a pas... Une mécanique, c'est une mécanique. C'est comme, par exemple, au moment donné, les nuages vont commencer à pleuvoir. Donc, qui? Ah, rien, c'est une mécanique. Alors, quand l'homme a commencé à aller pisser, c'est parce qu'il avait envie de pisser. Quand l'homme a commencé à un qui meurt, puis il y en a un qui naît, ben c'était très logique pour lui de dire c'est le même, il vient de revenir dans un autre corps. C'est uniquement une question de mécanique, il n'y a pas d'intentionnalité sous ça. Mais il y a quand même quelque chose. Quelque chose, c'est la mécanique, c'est l'astral, c'est l'atmosphère. Mais si on retourne à l'homme des cavernes, lui, là, ça devait quand même le sécuriser d'une certaine façon, ça lui donnait des raisons. Il se passe ça, un disparu, mais il n'est pas disparu, il est revenu. C'est ça, mais... Ça lui donnait une conscience mémorielle plus vaste, celle d'avoir accès à la mémoire des ancêtres. Non, mais ça permet d'expliquer... Et nécessairement, ça le sécurisait. Non, mais on va appeler ça la mentalisation, ça permet d'expliquer ce que tu ne comprends pas. Là, il disparaît, alors finalement, oh non, il n'est pas disparu, il vient d'arriver là. Tu sécurises là-dedans. Mais c'est le bon. Fait que c'est de là qu'est formé les égrégores et l'astral. Ça les renforce. C'est ça. Mais les dieux, alors au début, les dieux, ça n'existait pas. Mais non. Mais l'astral était là, mais vide. L'astral était vide. La seule mémoire qu'il y avait dans l'astral à l'époque, c'était des mémoires qui dataient de à peine, disons, 4 milliards, 200-300 millions d'années. Et c'était la mémoire du refroidissement de la boule de feu qui était la Terre jusqu'à temps que l'homme arrive. Et cette mémoire-là constitue ce qui, dans l'astral, porte le nom de l'enfer, les feux éternels. Mais un feu de 4 milliards d'années, pour une conscience humaine qui avait une espérance de vie de 15-17 ans, c'était effectivement éternel. Et plus on avance dans le temps, moins l'enfer avec sa flamme, etc., est présent dans l'esprit astral, parce que lentement, c'est remplacé par des néotypes, remplacé par de nouvelles formes. C'est pas encore éteint, c'est encore chaud dans le fond. Il y a quelques volcans qui sont là pour en témoigner. Mais l'idée de l'astral infernal vient de cette mémoire-là que l'humain va respirer, l'humain va s'en imprégner de moins en moins à travers sa respiration. Aujourd'hui, dans les années 90, à partir du mouvement hippie, tu as eu beaucoup de sectes, de mouvements religieux, puis une espèce d'orientation spirituelle. Alors, ça veut-tu dire qu'il y a encore moins d'enfer, de présent, d'astral supérieur? Non. Ça fait quoi, ça, là? Bon. Notre astral est ici, la Terre est ici. Dans l'astral, il y a des égrégores. On va juste définir un petit peu les égrégores encore très rapidement. De toute façon, on pourrait répondre à la question. Égrégores religieux, égrégores politiques, égrégores patriotiques. Tu meurs pour ton pays, que tu t'en fous pour toi. Tu meurs pour ton pays. Avant, tu mourrais pour ton Dieu. L'égrégore familial. Quelqu'un dans la famille mange une claque en pleine face. Toute la famille vient de manger une claque en pleine face. Alors, on a des nations, des ethnies qui ont des égrégores familiales extrêmement puissants. Alors là, ils vont tous aller se venger, le frère, le beau-frère, la belle-sœur, tout le monde y va, parce que c'est toute la famille qui est insultée, c'est toute la famille qui a mangé la claque, égrégore familial. Le Québec est reconnu pour la fragilité de ses égrégores familiales, de son égrégore national, presque son absence d'égrégore national, etc. Ce qui fait en sorte que l'émancipation humaine se fait plus rapidement au Québec, parce que les individus étant plus sauvages ont une tendance plus rapide comparativement au reste de la planète, à devenir individuels dans leur conscience. Bon, après ça, il faudra qu'ils réapprennent, évidemment, à travailler en collaboration, mais c'est une chose. Donc, égrégore religieux, égrégore politique ou égrégore d'État, les égrégores patriotiques, égrégores familiaux. On a d'autres égrégores qui vont être des égrégores relativement au bloc d'âge. Par exemple, les égrégores d'adolescents, adolescents, c'est un exemple. Les égrégores... là-dedans, ici, on a des sous-égrégores, comme dans les égrégores divins. Avant, il y avait tellement d'égrégores divins, par exemple, au niveau de la Judée, on avait du polythéisme, et puis à un moment donné, bien, quelqu'un est arrivé, puis il a réussi à tout mettre ces égrégores dans une grosse enveloppe, le monothéisme, et les sous-dieux n'ont pas aimé ça, parce que vous connaissez l'histoire peut-être de Zeus, de Jupiter, qui se battait avec un autre en arrière, puis il y avait des chicanes entre les demi-dieux, puis les dieux, etc. Bien, dans la religion catholique, ils n'ont pas aimé ça non plus, alors ils sont devenus des saints. Alors, la hiérarchie est restée avec d'autres noms et ça a plu un peu. Bon, il n'y a plus. Et puis, par la suite, on va... Donc, il y a des sous-égrégores au niveau de l'adolescence, comme il y en a au niveau des religions, des peuples, des ceci ou des cela, des sous-égrégores. Mais il y a quand même plus de paix quand il n'y a pas de sous-égrégores. Donc, ce serait un avantage. C'est ce serait un avantage. C'est vraiment mieux au niveau de ta conscience, mais tu es mieux au niveau physique. C'est déjà une chose. Comme il y a un égrégore qui s'appelle un égrégore de couple. Ça, il y en a plusieurs qui connaissent ça. L'égrégore de couple, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il investit la conscience d'un être, d'un homme et d'une femme, pour leur dire, un couple, ça marche comme ça. Fait que nécessairement, un couple, ça chicane, puis là, ça va même aller faire dire à du monde, « Oh, mais des disputes de couple de temps en temps, c'est bon, tu sais. » Ben oui, franchement, c'est bon. Un meurtre de temps en temps, c'est bon. C'est la même affaire. Mais l'égrégore de couple, oui. Alors ça, c'est dû, l'égrégore de couple, par exemple, est dû à une accumulation de mémoires semblables. De couple qui fait qu'à un moment donné, toi, tu ne peux pas vivre ça, mais là, tu es ramené par l'égrégore à vivre les mémoires de l'autre. Comme par exemple, on a des égrégores d'âge, je vous parlais, les égrégores de grands-parents. Ton nom, c'est Michel. Puis à un moment donné, ton enfant a un enfant. Là, quand tu vois le petit bébé, « Allô, gars, c'est Pépé! » Bon, mais c'est pas Pépé, ça, c'est Michel, bordel. Bon. Et puis lentement, la tête est pépée, puis lentement, tu marches en pépée, puis lentement, il faut... Ça, ce sont les égrégores au niveau des groupes d'âge. Le jeune ou la jeune qui devient adolescent, va faire avancer par des sous-égrégores dans des sous-égrégores. Par exemple, les casquettes, les bottes. Bon, ça, ce sont des... Les moines portent un crucifix. Bon, les musulmans vont porter une tache en front, puis d'autres choses. Les Krishna portent rien en dessous le vêtement. Bon. Et puis, l'adolescent va porter, pour être dans tel égrégore, une casquette ou des paires de bottes, l'autre va avoir ceci. À un moment donné, c'est une planche à roulettes. C'est pas une planche à roulettes, évidemment, c'est une tapette, c'est une planche à roulettes. Un skate, un instant. Et puis, continuellement. Ce qui est intéressant au niveau de comprendre au niveau de l'astral, il y a des égrégores qui sont fixes, ne bougent pas. Ils sont géostationnaires. Ça veut dire que quand la Terre tourne, ben l'égrégore suit. Il est attiré par la tellurie du sol. Et il y a des égrégores qui sont mobiles. Eux se promènent au gré des vents. Alors, à un moment donné, Montréal, ça va mal, tout le monde se sent mal, dépressif, c'est schnook. Puis, deux jours après, ben, c'est à Saint-Hyacinthe qui vit ça, puis ça s'en va comme ça lentement. Bon, il y a des égrégores qui suivent des mouvements telluriques, des mouvements mouvements énergétiques. Et normalement, ce qui part en Angleterre, il est toujours tombé aux États-Unis. Et après, bon, il y a des mouvements comme ça, où on peut suivre l'avenir d'un égrégore. Mais ça, c'est le même chemin que les peuples ont fait. Si on regarde ça, les Anglais sont aux États-Unis. C'est ça. Mais la différence, c'est le même chemin. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que si, parmi mon égrégore fixe, il y a une partie de l'égrégore mobile ici, auquel moi je suis relié en partie, et cet égrégore mobile-là commence à migrer. Bon, il part par exemple de Macédoine, il monte vers la Rome, ou encore descend vers l'Égypte, ou simplement part de l'Angleterre, descend vers les Indes. Ben, il y a des Anglais qui vont devoir partir pour aller conquérir l'Inde pour retrouver leur territoire. Puis évidemment, les Indiens, ils sont pas contents. Christophe Colomb, c'est la même chose. Comme tous les voyageurs qui s'en allaient tomber au bout du monde, à l'époque, la Terre était plate et carrée. Alors, on peut visiter les quatre coins du monde. Quand on allait au bout du monde, ben, après ça, c'est dangereux de tomber. Les égrégores migrants les amenaient à y aller et les individus y allaient. Que fait un individu pour rester attaché à son égrégore national, son égrégore tellurique? Quand il est à l'étranger, pas compliqué, il y amène le drapeau de son pays, on parle des conquérants, il y amène des vêtements de son pays, et il importera son thé, sa nourriture, même s'il mange des petites affaires locales, ses meubles, ses traditions, il va haïr toute la population qui est là, c'est typique des conquérants, parce qu'ils ne veulent pas s'immiscer dans être intégrés par l'égrégore de l'autre. C'est ça qu'on trouve le quartier chinois, le quartier... Aujourd'hui, ce sera donc la même chose avec les ghettos. Les Chinois viennent ici, ils vont aller dans certains quartiers, donc ils vont se recréer un égrégore chinois avec les mêmes problématiques qu'ils auront connues là-bas. Les Italiens vont venir ici, ils vont se créer un égrégore italien. Puis les Québécois, quand ils s'en vont à Québec-Pénango, par exemple au Guatemala ou à Acapulco, c'est la même chose, il y a des régions complètes, on va là, puis c'est plein de petits tabernacles. Bon. Mais ça, c'est pas uniquement pour conquérir que non. Ça se passe. Là, c'est parce que l'homme, quand il veut aller dans l'égrégore puis qu'on l'interdit, ben, il amène ses armées puis il va aller conquérir. Puis là, il plante le drapeau au nom d'eux, mais il revendique les terres au nom d'eux, la reine, etc. Mais toujours au nom du drapeau qui est la croix, qui est le symbole. Ça veut dire que quand un jeune est obligé de mettre, par exemple, sa casquette, ben, il est exactement comme le missionnaire qui, ou la sœur, ou le frère, qui se sent élu sans sa croix.